Station Silence. And the Oscar goes to Jean Dujardin, the artist. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Vive le cinéma! Salut et bienvenue dans Toiles et Sillons, l'émission qui écoute le cinéma. Chaque semaine, nous allons écouter des chansons de films, des musiques de films, de grands compositeurs, des chanteurs connus ou moins connus. Nous allons écouter des bandes-annonces, bref, nous allons vivre le cinéma en son. On commence avec la chanson du film La Vallée des Poupées de Mark Robson en 1968, chantée par Dionne Warwick. Et puis ensuite, nous irons en 1975 avec le fameux Sorrow de Macho Man, chanson du film À nous les petites anglaises. Gotta get off, gonna get, have to get off from this run. Gotta get sorrow since you left me. Sorrow, sorrow in my heart. Can't believe it's over. I never could have dreamed that we would part. Sorrow, sorrow. Without a sailor, that's how I am without your arms to hold me tight. Do you remember those happy days? The happy days that we shared. Just had to look at you, and I knew that you cared. I thought I would spend those happy days loving you my whole life through. There was such happiness then. There's only sorrow, sorrow all around me. Sorrow, sorrow through and through. If I live 100 lifetimes, I'll never realize that I'm losing you. Do you remember those happy days? The happy days that we shared. Just had to look at you, and I knew that you cared. I thought I would spend those happy days loving you my whole life through. There was such happiness then. There's only sorrow, sorrow. En 1983, Jean-Paul Belmondo retrouvait Jacques Deray, le réalisateur de Borsalino, l'un des maîtres du polar français, pour le Marginal, dont la musique était bien sûr signée Ennio Morricone. Celui que vous cherchez, bien plus. Tu peux le remplacer si tu veux. J'aimerais bien essuyer mes semelles sur ta gueule. C'est amusant, ça, je trouve. Ne descends pas comme ça, un flic. sur la tête. C'est un poulet de choc, celui-là. Il dit main sur la tête. Tu peux y aller, je suis vierge. Continue, connard, et tu vas être vierge et martyr. Oi, querido! Tu vas? Va savoir. Thank you. C'était jusqu'à The Bodyguard avec Whitney Houston, la musique de film la plus vendue dans le monde. Vous avez bien sûr reconnu les Bee Gees, Night Fever, une des chansons du film La Fièvre du Samedi Soir. On va maintenant retrouver François de Roubaix, l'un des musiciens français les plus prolifiques des années 60 et 70, avec Dernier domicile connu, un film de José Giovanni qui date de 1970. Vous allez reconnaître le thème parce qu'il a été samplé par Robbie Williams. Et puis juste après, il y aura Goldfinger avec la voix puissante de Charlie Basset. His lies can't disguise what you feel. kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He loves gold. He loves only gold. Only gold. He loves gold. Touchstone Pictures. Richard Gere cherche la femme idéale. Une femme qui est de la classe. Jetez votre chewing-gum. C'est pas vrai, elle l'a fait. Une femme distinguée. Ça dérape, c'est que je n'aurai. Une femme élégante. Jolie cravate. Elle est tout ce dont il rêve. Je veux pas lui passer la corde au cou, je m'en sers uniquement pour le sexe. Mais beaucoup plus qu'il ne peut assumer. Attachez votre ceinture. Richard Gere. Julia Roberts. Tu l'as trouvé. 3615, poupée. Pretty Woman. Pretty Woman, le rôle qui a lancé Julia Roberts dans les étoiles au firmament des stars. Pretty Woman, une chanson bien sûr signée Roy Orbison. Je vous propose maintenant deux ambiances totalement différentes. D'abord le Tatoué, musique du film avec Jean Gabin et Louis de Funès. Et puis juste après Superman avec une partition bien sûr signée John Williams. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure que la musique du Tatoué est une musique de Georges Garvarentz, le compère de Charles Aznavour. Un dessin animé maintenant, un Walt Disney. Si vous aimez les matous, c'est le meilleur dessin animé de Walt Disney, bien sûr. Il s'agit des Aristochats. Je vous propose un petit extrait des Aristochats où nous allons retrouver Duchesse, O'Malley et la bande. Et puis juste après, Everybody Wants to be a Cat, bien sûr, un extrait de la bande originale du film Les Aristochats. Oh, des amis à vous ? Eh oui, ce sont de vieux potes et ce sont tous des mordus. Des mordus ? Qu'est-ce que c'est des mordus ? Vous savez, un cat c'est un mordu du jazz. Un scat cat c'est un chanteur qui chante sans dire les paroles. On va ailleurs, Duchesse ? Oh non, non, non. Je tiens à voir votre piaule et à connaître ce scat cat. Bon, d'accord. Hé, hey, scat cat, envoie-nous un peu de ta musique douce par ici. Visez sans ligre ce vieux matou de Thomas est revenu dans le secteur. Un peu de sweep, papa. Serre-moi la patte, scat cat. Ouais. Buonasera, paisano. Welcome chez toi, O'Malley. Duchesse, c'est le plus grand des scat cat, des chanteurs de rock. Oh, je suis enchantée de vous connaître, monsieur scat cat. Moi de même, Duchesse. Ce que vous êtes belle. Oh, vous êtes un charmeur. Et votre musique est si... si différente. C'est stimulant. C'est pas du béton, maman, mais c'est en glace à rebondir. Oh, ce petit minou, il en connaît un drôle de bout. Un drôle de bout de quoi ? Ma petite dame, je vais vous expliquer la chose. Swing. Who wants to dig a long head kick and stuff like that? When everybody wants to be a cat, a square with a horn makes you wish you weren't born. Every time he plays, oh, a rinky-dinky-dinky with a square in the act, you can set music back to the caveman days. Oh, a rinky-dinky-dinky. Yes, everybody wants to be a cat. Because a cat's the only cat who knows where it's at. When playing jazz, you always has a welcome mat. Cause everybody thinks a swinging cat. Thank you. you want to turn me on, play your horn, don't spare the tone, and blow a little soul into the tune. Let's take it to another key. Modulate, wait for me. I'll take a few ad libs and pretty soon the other cats will all commence congregating on the fence beneath the alley's only light, where every note is out of sight. Thank you. 1963, Georges Lautner retrouvait Michel Audiard pour un projet qui devait s'appeler au départ le Terminus des Prétentieux. Dans la distribution, on retrouve Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche, Jean Lefebvre et aussi Robert Dalban, par exemple, ou Claude Rich. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler ? Il s'agit bien sûr du mythique Les Tontons Flingueurs. Sur son lit de mort, le Mexicain fait promettre à son ami d'enfance, Fernand Naudin, de veiller sur ses intérêts et sa fille Patricia. Fernand découvre alors qu'il se trouve à la tête d'affaires louches dont les anciens dirigeants entendent bien s'emparer. Mais flanqué d'un curieux notaire et d'un garde du corps, Fernand impose d'emblée sa loi. Cependant, la belle Patricia lui réserve quelques surprises. Charmante soirée, n'est-ce pas ? Vous savez combien ça va nous coûter ? 2000 francs, nouveau. Il y en a qui gaspillent et il y en a d'autres qui collectent. Qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Faudra encore des sandwichs à la purée d'anchois, ils partent bien ceux-là. Voilà vos encaissements en retard. Il y a gravé d'une amende en plus. Les Wolfenis ont essayé de me flinguer. Oui, maître. C'est pourtant pas leur genre. Oui, bah ça prouve qu'ils ont changé de genre. Voilà. Ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Bougez pas! Les mains sur la table. Je vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Si ces messieurs veulent bien me les confier. Thank you. musique de Michel Magne pour ce film de Georges Lautner, Les Tontons Flingueurs, notre film phare de la semaine. Le DVD des Tontons Flingueurs est disponible chez Gaumont. On se quitte avec un extrait de la bande originale du film Cry Baby. C'est la chanson Shaboom qui nous ramène dans les années 50. On se retrouve très vite pour un nouveau Toiles et Sillons. N'oubliez pas la page Facebook de l'émission Toiles et Sillons, tout simplement. À très bientôt. Oh, life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, I'm hoping we'll meet again. Oh, life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Now every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be so fine. Oh, life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Shaboom, shaboom, ya-da-da-da-da-da-da-da-da. Shaboom, shaboom, ya-da-da-da-da-da-da-da-da. Shaboom, shaboom, ya-da-da-da-da-da-da-da-da. Shaboom. Shaboom, shaboom, ya-da-da-da-da-da-da-da-da. Shaboom, shaboom, ya-da-da-da-da-da-da-da-da. Shaboom, shaboom, ya-da-da-da-da-da-da-da-da. Shaboom. Every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be so fine. Oh, life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, I'm hoping we'll meet again. Boom, shaboom. Hello, ding dong, a ling a ling a ling. Shaboom. Bado, badu, badu, baday. Shaboom. Life could be a dream. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Do you, shaboom, shaboom. Do you, shaboom, shaboom. Do you, shaboom. Life could be a dream, sweetheart. Ça tourne, ça tourne, silence. Goes to Jean Dujardin, the artist. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Vive la salle!